Alors vous avez fait votre apprentissage chez votre oncle? Mais non, à Mirecourt. Chez qui? Chez Léon Mougenot. Ah oui. Et vous avez commencé à 12 ans? Non, à 12 ans, j'étais fabriqué. Ah bon? Et c'était la guerre de 14. Ah oui, d'accord. Ils étaient tous partis. Mm-hmm. Voilà, quelque chose près. Mm. Et comme mon oncle ne voulait pas que j'aille dans les grandes maisons, comme chez la Berthe et Bouville, d'ailleurs qu'il n'y avait presque plus personne. Mm. Alors, je restais avec mes frères à 12 ans. Pourquoi il ne voulait pas que vous alliez dans les grandes maisons? C'est la cavalerie, mais... Ah oui, c'était du mauvais travail. J'ai de la série, j'ai de la série à ce moment-là. Mm-hmm. Voilà.